Troisième chapitre. À Ganges, ou dans les hameaux de la commune de Cazillac, qui sont comme les faubourgs de cette ville, il existe actuellement 8 maisons d'importance très inégale fabriquant le bas de soie. Quelques-unes de ces entreprises sont des succursales d'établissements similaires de Troyes ou de Paris, et l'une d'elles n'est que l'annexe d'un magasin de vente établi à Paris, rue de Rivoli, est tenue depuis plusieurs générations par une famille gangeoise. Les M ayant conservé des attaches dans leur pays d'origine où ils font exécuter les marchandises qu'ils détaillent eux-mêmes. Parmi les 8 chefs de maison, 2 sont d'anciens ouvriers ayant pu s'élever jusqu'au patronat. Quant aux travailleurs dont ces fabriques utilisent les services, la plupart appartiennent à de très anciennes familles du pays. Ils exécutent leurs besognes presque toujours chez eux, opérant tantôt pour un entrepreneur, tantôt pour un autre, surtout s'ils sont habiles. Ils sont invariablement payés à la tâche. Ganges ne fabrique aujourd'hui que l'article de luxe en pure soie, à l'exclusion des tissus mélangés ou de la bonneterie faite avec les déchets de soie. Cette curieuse particularité n'est que l'exagération d'habitudes très antiques, classe Ganges absolument à part. L'article de Troyes, même en soie, est plus commun. Les villes de Sumène et du Vigan, voisines de Ganges, le village d'Arrête-Bèze, près du Vigan, travaillent aussi sur coton, ainsi que Nîmes, dont les fabriques très importantes ont des usines succursales à Meaux et à la Fère Champenoise. De plus, l'industrie de la bonneterie de soie fine a complètement disparu de certaines localités de l'arrondissement de Montpellier et de cette ville elle-même. Avons-nous besoin de disserter ici sur la nature d'un cocon de verre à soie? Non, certes, et il nous suffit de mentionner que cette enveloppe ovoïde résulte de l'agglutination d'espires irrégulières d'une bave ou fil unique long de plus d'un kilomètre et sécrété par le verre. La soudure étant elle-même réalisée par une matière gommeuse qui enveloppe la bave. En plongeant le cocon dans de l'eau à 80 degrés, on ramollit la gomme et la bave pour peu qu'on la tire adroitement pour être déroulée. La dévideuse de cocon, lorsqu'elle travaille pour les bonnetiers, dévide tantôt 3, tantôt 7 baves à la fois pour les assembler en un brin uni. Ce faisceau manquerait de ténacité s'il ne subissait une légère torsion ou croisure avant que la gomme des baves ne se soit durcie. Après refroidissement, le brin est compact et solide. Alors le purgeage en élimine les défauts par le moyen de 2 ressorts qui cassent le fil à chaque imperfection. Puis le doublage, qu'on pourrait mieux appeler multipliage, assemble de 14 à 12 brins au plus pour former une nouvelle association. Un doublage plus complet se ferait en 2 fois. Enfin, une machine spéciale imprime aux brins réunis une torsion de 120 à 140 tours par mètre. Ainsi tordue, la soie ouvrée offre, toute proportion gardée, l'aspect d'un câble minuscule ou d'une cordelette très fine, et sa ténacité ne laisse rien à désirer. Considérons l'article le plus ordinairement fabriqué à Ganges, désigné techniquement par la notation 28 fins. Des bas 28 fins provenant d'une soie peu chargée en teinture, mais simplement décreusée, pèseront à peu près 500 grammes. Terme moyen à la douzaine et se vendront aux environs de 60 francs dans les grands magasins de Paris. Nous pourrons dire que le fil qui aura servi à les tisser résulte de l'association d'une centaine de baves. Mais les données relatives au doublage font partie des secrets du métier. Prenons au contraire, non l'article courant, mais les bases exceptionnelles et chères comme les 40 ou 42, de véritables toiles d'araignée. Non seulement le brin primitif sera plus faible, mais on modifiera le doublage pour ne réunir finalement qu'une vingtaine de baves dans le même cordonné. Il reste à éliminer par une cuite à l'eau de savon la gomme des baves que nous avons mentionnée naguère. Cette opération appelée décreusage, bien qu'obligatoire, ne nous retiendra pas. Elle se fait au sortir du moulinage aux dépens de la soie doublée et tordue sur laquelle opère ensuite le teinturier, car aujourd'hui, au rebours de ce qui se passait du temps de Louis XIV, la soie, avant d'être travaillée, reçoit toujours la nuance voulue, nuance qui peut varier à l'infini en produisant de charmants effets. Son application exige l'adresse d'un ouvrier né dans le métier, suivant l'expression du contremaître qui nous a montré l'atelier. La teinte s'obtient invariablement à l'aide de couleurs dérivées du goudron de houille. Aujourd'hui, plus de cochenille, ni de safran, plus d'indigo, ni d'épines vinettes, plus de gaude, ni de bois des îles. Les dérivés aromatiques, pour parler le langage de la chimie, règnent exclusivement, et ce, malgré leur prix élevé. Le rose de Chine, sans compter l'alcool nécessaire pour le dissoudre, coûte 800 francs le kilogramme. Il est vrai qu'il faut peu de substances tinctoriales. La couleur noire, qu'on applique beaucoup, exige seul un mordansage préalable au bain ferreux qui contribue à fixer sur les chevaux le réactif d'alizarine. Un léger bain complémentaire à l'acide acétique ou sulfurique pratiqué avant le séchage avive la teinte. C'est surtout la soie des cocons jaunes qui reçoit la couleur noire. La qualité de la soie subit une légère épreuve et le poids du fil est doublé aux dépens de son élasticité et de sa ténacité. Chose curieuse, la dose convenable de teinture noire peut se calculer exactement. Mais pour les autres nuances, l'habileté professionnelle du teinturier joue un grand rôle, surtout lorsqu'il s'agit d'appliquer des couleurs composées comme le beige et non des teintures primitives, jaune, rose, rouge, bleu de ciel. Quoique la couleur à la mode pour un bain de femme paraisse à première vue chose de bien petit intérêt, la vogue exclusive dont jouit aujourd'hui le noir, malgré les tentatives poursuivies de divers côtés pour remettre le blanc en faveur, s'explique par deux raisons curieuses à examiner en passant. Il faut d'abord insister sur les progrès que la chimie a inspiré à l'art du teinturier en noir, puis sur les habitudes actives de nos contemporaines qui, faisant beaucoup d'exercices et circulant souvent à pied, recherchent pour leurs chaussures une nuance peu salissante. Bonnetiers, mondaines, chroniqueurs de mode perdront leur temps à prôner le blanc pour les bas assortis aux chaussures habillées d'intérieur ou d'extérieur, les habitudes étant prises. Quant à la grande toilette du soir, l'usage exclusif, bien entendu, de la soie blanche pour les bas a disparu lorsque la jupe, en s'allongeant, a recouvert le pied, comme du temps de Louis XIV. Revenons aux fabriques de Ganges et pénétrons dans la plus importante du pays, celle de messieurs L, frères, exploitée depuis plus de 150 ans par la même famille. Elle se compose de magasins ou bureaux qui, on le comprend, n'ont pas besoin d'être immenses pour recevoir le stock courant d'une marchandise plus précieuse qu'encombrante et d'ateliers peu étendus au demeurant mais dont la visite nous amène à signaler une curieuse transformation. Jusqu'à ces dernières années, le métier à bas dit « français », le seul dont nous ayons encore parlé, fonctionnait sans rival pour la bonneterie de luxe, d'ailleurs en pleine décadence. Mais depuis 1880, s'est répandu à Ganges l'usage du métier mécanique dit « hollandais », machine d'une complication extrême, de prix très élevé, mais qui travaille plus vite et plus économiquement que l'ancien métier. Avec le métier mécanique, les vieux errements d'autrefois s'évanouissent. Au lieu d'un instrument construit dans le pays même, c'est un outil venant des usines de Troyes ou de Puteaux. Au lieu du bras de l'homme, c'est la force de la vapeur qui agit sur le métier. Plus d'apprentissage sans piternel. Un bon ouvrier, au bout de quelques mois d'exercice, sait mettre un bât en train. Nous employons ce mot à dessein, car le maniement du vieux ou du nouveau métier s'apprend au début par une décomposition en temps et mouvement. En revanche, avec le métier hollandais, l'ouvrier ne peut plus travailler chez lui en famille, libre et heureux, en chantant comme jadis. Adieu l'antique indépendance sacrifiée au servage moderne dans l'atelier tapageur. Adieu aussi l'exquise propreté d'antan. Des taches d'huile presque ineffaçables, malgré la benzine, risquent bien plus qu'autrefois de souiller l'ouvrage entamé. Et il y a plutôt raison de s'étonner de voir que les tissus délicats qui prennent naissance au milieu de cette machinerie en activité restent généralement immaculés. À la fabrique L, une machine à vapeur de la force de 40 chevaux met en branle non seulement tous les métiers mécaniques de l'usine, mais les machines-outils servant à la réparation des 10 métiers, plus bon nombre de machines accessoires fonctionnant aussi pour la bonneterie. Une vingtaine de métiers mécaniques marchaient à grand bruit dans la salle qu'on nous a fait visiter. La soie déjà teinte à la nuance désirée est dévidée, ou pour mieux dire débrouillée, puis enroulée d'une façon parfaitement régulière sur des bobines coniques qu'on place ensuite sur la machine à faire le bât à l'intérieur de petites boîtes vitrées. De la sorte, la précieuse matière première se trouve garantie tant de l'excès d'humidité que des éclaboussures grasses. Nous renonçons à expliquer le mécanisme d'une machine qui, en platine, pièce d'abattage, ressort, griffe, aiguille, vis de toutes sortes, compte plus de 2000 pièces. Nous voyons l'ouvrier suivre les péripéties de la confection de son bât qui, comme au tricot, prend naissance par la partie haute, se poursuit par les entrées, les diminutions, le talon, la semelle. On n'ignore pas que le talon est toujours renforcé, c'est-à-dire que la trame étant la même, on emploie deux fils au lieu d'un. Tel que l'ouvrier le termine, le bât figure une bande plate à sinuosité symétrique. Toutefois, il y manque la pointe. On nomme ainsi la partie qui enveloppe les orteils, qui est invariablement renforcée et exécutée au moyen d'une machine spéciale, différente du métier ordinaire et plus coûteuse encore. Avec le métier mécanique à vapeur, l'ouvrier peut tisser de très jolis bas, mais à l'exclusion de la marchandise extra fine correspondante au gros numéro de jauge. Pour ces derniers articles, force est de recourir aux vieux métiers français. Aussi l'atelier des métiers à vapeur est-il doublé d'un autre atelier plus petit où des travailleurs des deux sexes opèrent suivant l'antique procédé. Mais la maison, comme toutes les autres fabriques de Ganges, emploie un très grand nombre d'hommes et de femmes qui ne viennent à l'usine du patron que pour chercher de l'ouvrage et emportent chez eux la pièce brute pour la préparer à domicile. Vu leurs complications, les métiers de l'ancien comme du nouveau modèle se détraquent souvent. Aussi deux ateliers de réparation, l'un pour les métiers à bras, l'autre pour les métiers mécaniques, fonctionnent-ils en permanence chez messieurs L, et des machines de réserve destinées à remplacer les appareils momentanément éclopés sont-elles constamment prêtes à fonctionner? Il ne faut pas oublier que l'ouvrier toujours payé à la pièce et toujours mis en face du même métier, perd son temps et voit se dissiper son gain en cas d'accident. Après la confection du bât, la première opération est le nouage, qui consiste à rassembler les deux moitiés des talons et ajuster les pointes. Cette opération, naguère pratiquée à la main, est réalisée aujourd'hui par des ouvrières opérant avec une machine ad hoc et exige une certaine élégance d'exécution combinée avec une solidité irréprochable. On replie ensuite les deux flancs opposés du bas qui sont réunis par la couture longitudinale que l'on distingue par derrière. Cette fois, la besogne exige la main d'une femme exercée dans la profession. Tissée et quelquefois ajourée, souvent brodée, toujours nouée et cousue, soit à la fabrique, soit au dehors, les bas, quel que soit leur lieu d'origine, arrivent enfin dans l'atelier du remaillage et du formage qui offre l'aspect d'un grand arrière-magasin de modistes. Chaque article subit une révision sévère, une réparation s'il y a lieu. Les mailles coulées sont remontées, après quoi le bas est chaussé sur une forme en bois analogue aux jambes peintes qu'on voyait vaciller autrefois devant les boutiques de bonnetiers, au temps où florissait Jérôme Patureau. Puis il est chauffé dans des conditions que nous n'avons pas à expliquer. Enfin, la plieuse range méthodiquement les bas qui sont classés par douzaines dans les cartons d'expédition. Le bureau de distribution et de comptabilité est contigu au local précédent. Il délivre aux ouvriers du dehors la soie en écheveau destinée à être tricotée et reçoit le bas absolument terminé, prêt à chausser la cliente. Nous négligeons le remaillage et le formage. Un contrôle très exact permet toujours de retrouver l'auteur, homme ou femme, de tel et tel travail dans tel et tel paire. La plupart des bas que nous voyons pliés dans les cartons sont marqués A, B. Cela veut dire tout simplement que la maison, elle, alimente les rayons du bon marché. Suivant leur dimension, les bas reçoivent une, deux ou trois étoiles correspondant aux trois tailles de femmes, petite, moyenne, grande. Il y a en outre six tailles d'hommes et huit d'enfants. Le numéro de jauge, découpé à jour, figure aussi quelquefois au sommet du bas. En dehors des fournitures courantes, les bonnetiers exécutent quelquefois des commandes exceptionnelles, tantôt sous le rapport des proportions, tantôt sous celui de la finesse, tantôt surtout à cause des nuances réclamées qui doivent s'assortir à la couleur d'une toilette donnée dont la cliente transmet l'échantillon à Ganges par l'intermédiaire des grands magasins. Quoi qu'il en soit, nous pourrions nous étendre sans peine sur la richesse de teintes, le bon goût du travail et l'exquise élégance des produits des bonnetiers gangeois, produits remarquables en outre par leur nervosité et leur élasticité. Quant à la ténuité, on arrive à une perfection incroyable. Le fil qui sert à tisser le numéro 44 paraît tout au plus de la grosseur d'un cheveu et la douzaine de paires de cette jauge, exceptionnelle, il est vrai, ne pèse que 160 grammes, c'est-à-dire à peine davantage qu'une paire unique de bas d'hommes, un peu forte, telle qu'emportaient les gentilshommes au XVIIIe siècle. Souvent, le travail de la jour contribue à rehausser l'article de Ganges. Après différentes vicissitudes tenant aux fluctuations des modes, la fabrication des bas ajourés a repris passablement. L'ajour se pratique sur article mi-fin et fin, et aussi, quoique plus difficilement, sur l'article extra-fin, qui donne, il est vrai, des résultats très élégants. Il se pratique avec le métier mécanique, qui ne permet que l'obtention d'une figure simple, toujours répétée, et avec le métier français, qui permet, lui, de combiner plusieurs figures. Comme souvent aussi, les brodeuses agrémentent d'ornements variés les bas de grand luxe, par exemple de semis de fleurs, dans les articles façon jardinière. On comprend que de pareils ouvrages finissent par coûter fort cher. Le meilleur marché, 28 unis, se vend déjà de 4,75 francs à 5 francs la paire dans les magasins de vente de Paris. Mais prenons par exemple un numéro 40, ajouré à 3 dessins et brodé. Joignons au prix de fabrique le légitime bénéfice du vendeur et nous arriverons à un taux voisin de 30 francs. Il ne sera pas sans intérêt de connaître les salaires des ouvriers des deux sexes qui travaillent à confectionner les bas. Nous avons d'abord ceux qui travaillent au métier hollandais. Dès que l'invention nouvelle a été transplantée à Ganges, tous les jeunes débutants se sont dépêchés d'apprendre le maniement du nouvel appareil qui ne nécessite qu'une étude d'une année environ. Pour les vieux routiers, le faire marcher n'a été qu'un jeu. Le salaire est toujours réglé à forfait à temps la douzaine. Un homme adroit, en travaillant 10 heures par jour et confectionnant 4 à 5 paires de bas, peut gagner 4 francs 50 à 6 francs, ce qui est fort convenable pour une petite ville où la vie est à bon marché. Effectivement, Ganges, placé à la base même des Cévennes, participe à la fois des avantages des pays de plaine et des régions montagneuses. Le vin y abonde, la viande y est d'excellente qualité. Et encore, ces denrées coûtent-elles moins à Ganges que dans les terroirs de Nîmes ou de Montpellier? Grâce à l'eau de l'Hérault, la culture maraîchère et fruitière a pu se développer. Les ouvriers gros, bruns, moustachus, qui travaillent au bas, dans les ateliers que nous avons visités, ne prêchent pas misère. Et encore les salaires ont-ils quelque peu baissé par suite de la concurrence. La conduite du métier mécanique ne saurait être confiée à une femme. Il l'obligerait à pratiquer une besogne au-dessus de ses forces. L'opérateur est presque toujours debout. Mais le métier français, parce qu'il fonctionne bien moins vite, convient aux deux sexes. Naguère mis au rebut, il reprend faveur aujourd'hui. Et plus d'une de ces antiques machines, nous a-t-on dit, oubliée au grenier, s'est vue remettre à neuf, réparation qui coûte bien de 500 à 600 francs, et travail pour nos contemporaines après avoir rendu le même service aux merveilleuses du directoire. Le métier mécanique, ne l'oublions pas, fait d'excellents ouvrages si l'on se borne aux jauges 26 ou 28. Mais à partir du numéro 30, le métier français permet seul le tissage des articles fins, d'autant plus longs et plus délicats eux-mêmes à créer que leur ténuité augmente. Aussi le travailleur qui dans sa journée confectionne une paire numéro 40 reçoit-il pour sa peine 7 francs. Comme il faut ajouter au passif du fabricant le prix de la confection des pointes et les dépenses indispensables pour assembler, coudre, etc., on arrive à un total qui dépasse, et de beaucoup, la valeur de la matière première de la soie brute, qui est de 2 francs seulement dans ce cas particulier d'un bas très fin et ne dépasse guère 2 francs 50 pour les articles plus communs. Examinons une autre catégorie de travailleurs. Le jouriste. C'est un faiseur de bas très exercé qui, au sacrifice d'une année complémentaire d'apprentissage, s'est adonné à la confection des bas à jour de haut luxe que recherchent aujourd'hui les Anglaises et les Américaines qui se fournissent dans les magasins ou font leurs commandes à Ganges. Le jouriste que nous avons vu à l'œuvre, homme d'un certain âge, habite une rue étroite mais propre. Comme tous ceux de la partie, il travaille à domicile, dans l'immeuble familial et dans la chambre où ses devanciers ont tissé avant lui au moyen du même métier. Précisément, l'ouvrage qu'il exécute en ce moment, un bas blanc à jour à 4 dessins, numéro 36, rappelle les anciennes spécialités du pays. La confection de cette paire lui rapportera 6 francs 50. Et encore l'ouvrier reçoit-il du fabricant le bas exécuté jusqu'aux entrées. Presque toute la journée sera consacrée à finir la paire, y compris les dessins qui orneront le coup de pied. Il est inutile de dire que la spécialité de la jour, complication du travail sur métier français, convient aussi bien à une femme qu'à un homme. Il est important d'ajouter que contrairement aux apparences, les ouvrières n'atteignent pas en matière de goût la supériorité des ouvriers et ne les égalent même pas au point de vue de l'exécution matérielle. Enfin, il est clair qu'en ce qui concerne la difficulté vaincue, la confection de la jour l'emporte en intérêt sur la monotone fabrication de l'uni. aussi les spécialistes sont-ils très fiers de la profession. Quant aux opérations indispensables de nouage, couture, à l'après facultatif de la broderie en semis, à l'addition des baguettes, ces mêmes travaux s'exécutent encore invariablement à forfait, la plupart du temps à domicile, exceptionnellement par la main des hommes, presque toujours par les doigts des femmes. À celles-ci sont réservées, bien entendu, les broderies sur le tissu. Malgré l'importance relative de sa population, qui, avec les communes limitrophes de Cazillac et de La Roque, dépasse 5000 âmes, Ganges ne peut suffire à la confection complète de la bonneterie que livrent ses fabricants. Mais fait curieux, le travail de la couture des bas n'occupe personne à l'est de Ganges, vers Saint-Hippolyte, tandis qu'il est tellement en honneur au nord et à l'ouest de cette même ville, vers Sumène, Le Vigan, Bréau, Bèze, dans le Gard, Brissac, Le Pouget, Le Causse de la Selle, dans l'Hérault, que l'agriculture ne trouve pas toujours dans ces localités de femmes à employer. Il est certain que cette besogne manuelle, mieux rémunérée que le travail des champs, est de nature à tenter les jeunes filles. En 1896, d'après les documents qu'on a bien voulu nous transmettre, le canton entier de Ganges comprenait 6 communes en sus des 3 mentionnées plus haut. Le canton est peuplé de 9000 habitants environ. Quel est en somme l'état présent et l'avenir de la bonneterie de grand luxe à Ganges? À l'époque actuelle, malgré l'envahissement de la camelote, de l'article médiocre à bon marché, ou peut-être à cause même de cet envahissement, l'antique industrie du bas de soie fin, un moment ébranlé de 1860 à 1880, tend à se maintenir. Son extrême perfection l'a sauvée. Les anciennes et nombreuses fabriques similaires de la région n'ont pu soutenir la concurrence vitale, se sont fermées pour la plupart, et cela parce que leurs articles n'atteignaient pas à l'excellence de ceux de Ganges. Française ou cosmopolite, la clientèle élégante des grands magasins parisiens exigera toujours, à côté d'articles courants faciles à créer ailleurs, des marchandises extra. Or, celles-ci ne peuvent s'obtenir qu'à Ganges. Nous avons montré que depuis longtemps, par une tradition ininterrompue, de modestes ouvriers cévenols acquièrent un goût, une habileté inimitable et, au besoin, se transforment en mécaniciens inventeurs. Des qualités de cet ordre ne s'improviseraient pas ailleurs. Nous voudrions aussi communiquer à nos lecteurs l'impression satisfaisante que nous a laissé l'examen de cette industrie. Dans cette bourgade insignifiante en elle-même, habite une population ouvrière, saine, joyeuse, intelligente, adroite, convenablement rémunérée et jouissant de l'inappréciable bienfait du travail en famille, ayant le choix aussi du travail moderne à l'atelier, dont les inconvénients réels sont corrigés par certains avantages. L'avenir est donc rassurant. Aussi ne peut-on reprocher aux familles gangeoises ce manque de fixité si funeste aux ouvriers contemporains. Patrons et employés sont bonnetiers depuis de longues générations, très attachés à leur lieu de naissance. S'ils ont quelquefois émigré, ça a été dans les villes de la région ou, à l'époque de la crise, vers les nouvelles usines comme Troyes ou la Fère Champenoise, mais la plupart du temps pour revenir chez eux dès que les fabriques du pays natal ont repris une suffisante activité. Depuis bien des années, la population de Ganges, sans augmenter mais sans trop diminuer, oscille faiblement. Les quelques vides qui se produisent sont aussitôt comblés par l'arrivée des cévenols des hauts plateaux. Chose curieuse, ce sont plutôt les familles protestantes qui abandonnent Ganges et les catholiques qui s'y installent. Est-ce à dire que tout soit parfait à Ganges? Écoutons les pessimistes. Sans doute, disent-ils, la fabrication du bas de soie au métier français reprend à la suite d'une longue et rude épreuve. Mais ce n'est qu'un coup de fouet passager, motivée par l'approche de l'exposition de 1900. D'ailleurs, la jeunesse d'aujourd'hui trop impatiente, ne s'exerce plus au maniement délicat du métier à bras et préfère l'apprentissage infiniment plus facile du métier mécanique. Enfin, il ne se fabrique plus de métier de l'ancien type. Très réel et fort grave, cette difficulté ne nous semble néanmoins pas insoluble. D'abord, les antiques appareils ont la vie dure et longtemps suffiront à soutenir la lutte. Et puis, la loi inexorable de l'offre et de la demande saura bien vaincre les hésitations des nouvelles recrues et les forcera, grâce à l'élévation des prix, à continuer de produire les jolis ouvrages qui rendent la bonneterie gorgeoise sans rival au monde. Fin du troisième chapitre et fin de l'article d'Antoine de Saporta, La bonneterie de soie dans les Cévennes.